Et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà pourquoi Abraham, à cause de sa foi, fut considéré comme juste par Dieu. Mais ces mots, il fut considéré comme juste, n'ont pas été écrits seulement pour lui. Ils ont été écrits aussi pour nous, qui devons être considérés comme justes, nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Il a été livré à la mort à cause de nos péchés, et il est ressuscité pour nous rendre justes devant Dieu. Chapitre 5. Ainsi nous avons été rendus justes devant Dieu, à cause de la foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons pu, au moyen de la foi, nous approcher de la grâce de Dieu dans laquelle nous sommes maintenant établis. Et ce qui nous donne de la joie, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous réjouissons, même dans nos souffrances, car nous savons que la souffrance produit la patience produit la résistance à l'épreuve, et la résistance, l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. En effet, quand nous étions encore sans force, Christ est mort pour les méchants au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un juste. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme bon. Mais Dieu nous a montré à quel point il nous aime. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par sa mort, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Il y a plus encore. Nous nous réjouissons en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Avant que Dieu ait donné la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde, mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Pourtant, depuis l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse, la mort a régné même sur les hommes qui n'avaient pas péché, comme Adam, qui désobéit à l'ordre de Dieu. Adam était l'image de celui qui devait venir. Mais la faute d'Adam n'est pas comparable en importance au don gratuit de Dieu. Certes, beaucoup sont morts à cause de la faute de ce seul homme. Mais la grâce de Dieu est bien plus grande, et le don qu'il a accordé gratuitement à beaucoup, par un seul homme, Jésus-Christ, est bien plus important. Et le don de Dieu a un tout autre effet que le péché d'un seul homme. Le jugement causé par le péché d'un seul a eu pour résultat la condamnation, tandis que le don gratuit accordé après de nombreuses fautes a pour résultat l'acquittement. Certes, la mort a régné par la faute d'un seul, à cause d'un seul homme, mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de sa justice vivront et régneront à cause du Christ. Ainsi, de même que la faute du seul Adam a entraîné la condamnation de tous les hommes, de même, l'œuvre juste du seul Jésus-Christ libère tous les hommes du jugement et les fait vivre. De même que la désobéissance d'un seul a rendu beaucoup d'hommes pécheurs, de même, l'obéissance d'un seul rendra beaucoup d'hommes justes devant Dieu. La loi est intervenue pour que les fautes se multiplient. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même,

le fasse avec joie. L'amour doit être sincère. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Ayez aussi de l'ardeur à vous respecter mutuellement. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'énergie. Soyez joyeux à cause de votre espérance et patient dans les souffrances. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et recevez bien ceux qui viennent chez vous. Demandez à Dieu de bénir ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec ceux qui sont joyeux, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. Ne soyez pas orgueilleux, mais acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous les hommes. Faites tout votre possible, dans la mesure où cela dépend de vous, pour vivre en paix avec tous. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare, « C'est moi qui tirerai vengeance. C'est moi qui paierai en retour, dit le Seigneur. » Et elle déclare aussi, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons brûlants sur sa tête. » Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Chapitre 13. Tout homme doit se soumettre aux autorités qui gouvernent l'État, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été établies par Dieu. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre établi par Dieu. Ceux qui s'y opposent attireront le jugement sur eux-mêmes. En effet, les dirigeants ne sont pas à craindre par ceux qui font le bien, mais par ceux qui font le mal. Désires-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Alors fais le bien, et elle t'accordera des éloges, car elle est au service de Dieu pour te pousser au bien. Mais si tu fais le mal, crains-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle a le pouvoir de punir. Elle est au service de Dieu pour montrer la colère de Dieu en punissant celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore par devoir de conscience. C'est aussi pourquoi vous payez des impôts, car les fonctionnaires qui s'en occupent sont au service de Dieu pour accomplir soigneusement cette tâche. Payez à tous ce que vous leur devez. Payez l'impôt à qui vous devez l'impôt et la taxe à qui vous la devez. Montrez du respect à qui vous le devez et honorez celui à qui l'honneur est dû. N'ayez de dette envers personne, sinon la dette de l'amour que vous vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à ce qu'ordonne la loi. En effet, les commandements « Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne convoite pas » ceci et tous les autres se résument dans ce seul commandement « Aime ton prochain comme toi-même ». Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi.